طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تفضل. لي Répète le début de la phrase. Si les noms d'Allah indiquent une qualification qui le concerne et qui concerne en même temps sa création, ils impliquent trois choses. C'est-à-dire l'affirmation du nom à Allah le Tout-Puissant. La deuxième, l'affirmation de l'attribut impliqué par ce nom à Allah l'Exalté. Troisième, l'affirmation du jugement et du sous-entendu de ce nom. C'est pourquoi les savants ont dénoncé l'annulation de la peine pour les bandits du grand chemin après leur repentir. L'argument que les savants avancent est la parole suivante du Seigneur éclatée: Excepté ceux qui se sont repentis avant que vous ne dressiez la sentence. Sachez qu'Allah est celui qui pardonne sans cesse, le très miséricordieux. Les deux noms d'Allah, celui qui pardonne sans cesse, le très miséricordieux, contenus dans ce verset, sous-entendent qu'Allah l'exalté a effectivement pardonné les péchés aux brigands et leur a accordé sa miséricorde en faisant annuler la peine retenue contre eux. Exemple, le nom d'Allah est Samir, celui qui entend tout parfaitement, sous-entend l'affirmation du nom Samir. Allah l'exalté. L'affirmation de lui comme attribut et l'affirmation du jugement et du sous-entendu qui est Allah entend les actes secrets et ce qui est dit et ce qui se dit tout bas, tel qu'il est mentionné dans le Coran. Bon, cette règle, ici il dit que lorsque les noms et les attributs décrivent une chose, il te dit que cela veut dire trois choses, ou plutôt ça incombe trois choses. D'accord ? Il dit la première, Thubut dalik al-ism. Prends la règle. Tu as un nom d'Allah. Allah s'est nommé par ce nom-là. Wa huwa al-Rahim. Wa huwa al-Ghafur al-Rahim. Wa huwa al-Sami'u al-Alim. Khalas, ça c'est un nom d'Allah. Tu n'as pas le droit de quoi ? De refuter ce nom-là, de refuser ce nom-là. Parce que si tu refuses ce nom-là, alors que tu sais qu'il est dans le Coran, tu as fait ce qu'on appelle du kufr, kafart. Celui qui dit qu'il n'y a pas telle lettre dans le Coran, une seule lettre, afouane, qui dit que cette lettre-là ne fait pas partie du Coran ou la refuse, d'accord, alors qu'il sait qu'elle est dans le Coran, celui-là, il a fait quoi? Il a fait du kufr. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Celui-là, il est sorti de l'islam, a'udhu billah. Vous avez compris ça ou pas? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala se nomme par un nom, tu dois lui attribuer ce nom-là. Est-ce qu'il y a un khilab sur ça ou pas? Il n'y a pas de khilab. Ça, c'est la première des choses. Thubut dalik al-ism. Donc, tu as le droit de l'appeler par ce nom-là. Fahimtum ya ikhwan? Vous avez le droit de quoi? De l'appeler par ce nom-là. Vous avez compris ? Taïb. La deuxième des choses, la sifa. La sifa, c'est-à-dire la description. La description, ça veut dire que forcément, s'il y a ce nom-là, il y a aussi la description qui va avec. De ce nom-là. Par exemple, Al-Alim, ici, c'est quoi ? Al-Alim, il y a l'ilm. Dans l'alim, il y a quoi ? Il y a l'ilm, ça, halala. Taïb. Dans Samir, il y a quoi ? Il y a Sam'a. Dans le basir, il y a quoi ? Il y a le basar, il est akhiri. Vous avez compris ça, inshallah ? Dans chaque mot, il y a forcément une sifa. Et cette sifa, on l'attribue également à Allah. Et on verra plus tard que la sifa, c'est le contraire. La sifa, on ne va pas prendre de la sifa un nom. Vous avez compris ? On va le voir ça plus tard, inshallah. Tandis que le nom, on prend du nom là, la description et la sifa. Est-ce que vous avez compris ça ou pas ? Mafoumahada ? Taïb. Mais le plus important ici, c'est la troisième. Regardez. Il dit Al-Hukum. Lui, qu'est-ce qu'il a dit en troisième lieu ? L'affirmation du jugement et du sous-entendu. L'affirmation du jugement et du sous-entendu. Du jugement et quoi ? Et du sous-entendu de ce mot-là, de ce nom-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est ce que les savants appellent également, vous pouvez le dire, vous pouvez le noter, ça, c'est ce que les savants appellent aussi al-athar, la trace. Al-athar. La trace, d'accord ? Athar al-sifa. D'accord ? La trace, la chose que laisse cette sifa. D'accord ? Bon, on revient sur la troisième. La troisième, donc, ce que sous-entend ce mot-là. Al-Alim. D'accord ? Ou plutôt, on va prendre l'exemple qu'il a donné ici, Shir. Al-Ghafour al-Rahim. Ghafour al-Rahim. Quand tu vois ce mot-là, premièrement, tu peux l'appeler Ghafour et tu peux l'appeler Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce mot-là montre également qu'il est mutassif. Il est décrit par al-Maghfira, par le fait qu'Allah yaghfir. Il pardonne, et Rahim, et il fait clémence. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Il est clément envers ses serviteurs. Vous avez compris ça ? Taïb. Mais regardez ici l'exemple qu'il donne, Shir. Il dit, et c'est pour cela que les ulama ont donné l'exemple pour affirmer cette troisième chose, c'est-à-dire que le nom. Forcément sous-entend le nom, sous-entend le sens voulu du mot, d'accord, du mot, c'est ce verset-là qui est quoi, qui est le verset dans Surat Al-Ma'ida. Allah parle des Qutta' al-Tariq. Qutta' al-Tariq, c'est quoi? C'est le bandit de route, celui qui vient et qui dit nous on regardait ça quand on était petit, c'était quoi, la bourse ou la vie? Donne-moi l'argent ou la khalas. Ça, c'est venu. Qutta' al-Tariq, c'est ça. Il t'arrête dans le tariq et dit, allez, donne-moi qu'est-ce que t'as. Et ça existe encore, vous savez. Ceux qui voyagent, ils connaissent. Taïb. Qutta' al-Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis d'une manière qui est citée dans Surat al-Maïda. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, illa alladhina, sur ces gens-là, les bandits de route, illa alladhina tabu min qabl an taqdiru alayhim, sauf ceux qui se sont repentis avant le fait de les attraper, quoi, avant le fait de les arrêter. Vous avez compris ça? Tayeb. Cela, regardez ce qu'il dit Allah, fa'lamu anna Allah ghafur rahim, sachez qu'Allah est ghafur et rahim, et pardonneur et miséricordieux. Pourquoi alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ces deux noms-là? Et juste avant, il a parlé de quoi? De leur tawbah. D'accord? Ceux qui ont fait tawbah de parmi les bandits de route, vous avez compris? Ils ont fait tawbah et vous ne les avez pas attrapés. Vous avez compris? Ah ou là, tu ne viens pas et tu le rattrapes et tu lui dis, donne que ce que tu as pris, etc. Vous avez compris, Inch'Allah? Khalas, lui, il a fait tawbah. Allah dit fa'lamu anna Allah ghafur rahim. Pourquoi il a utilisé ces deux mots-là? Pour montrer que ces deux noms, Ghafour ou Rahim, ils ont un sens. Vous avez compris? Vous avez compris, inshallah. La yakhtalifi ahad. Par exemple, les ulama, quand ils parlent de suqut, suqut al-had, ça veut dire le fait qu'il est dépénalisé. Hein, il n'a plus de peine. On a compris, vous avez compris? Il n'a plus cette peine-là qui est juste avant. Qui, hein, Allah dit Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu, soit tu les tues, ou yusallabu, alors tu les crucifies, ou yusallabu, ou yusallabu, ou tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ou alors on coupe la main et le pied d'une manière croisée, ça veut dire tu coupes la main droite avec le pied gauche. Ou le contraire. Ma foum, ça c'est soit tu le tues, soit ça, soit ça. Et ensuite Allah dit Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'alamu anna Allaha ghafur rahim. Vous avez compris? Pourquoi Allah il a dit ghafur rahim? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom il a un sens. Vous avez compris? Le nom incombe un sens, il implique un sens. C'est quoi? C'est qu'Allah les aura pardonnés. Vous avez compris ça, inshallah? C'est qu'Allah les aura pardonnés. Et si on dit cela, on le dit bien parce qu'il y a. Parce que les savants sont d'accord également sur le fait que le had, c'est-à-dire la peine, qu'on vient de citer juste avant, cette peine-là n'a plus lieu. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit « illa », c'est un istithna, ça. C'est excepté, sauf ces gens-là. Vous avez compris ça, inchallah? Est-ce que vous avez compris ça? Donc, ce mot-là, ou plutôt ces noms, ces deux noms-là, montrent bien quoi? Montrent bien le fait que s'il y a ces noms-là, ça sous-entend forcément un sens et ça sous-entend également, enfin on l'a vu cette chose-là par le fait que la peine n'existe plus pour ces gens-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Fahimtum hada? Donc comment ils peuvent dire ensuite que le nom ou l'attribut n'a pas de sens? Ou alors il est Ghafour sans Ghufran, hein? Ou il est Rahim sans Rahma? Vous avez compris? Ça ou là? Et le pire, c'est pas ça, c'est que même des fuqaha, écoutez bien, même des fuqaha qui sont rentrés dans la philosophie, dans les asma ou sifat et dans ilm al-kalam, ils sont tombés dans ce genre d'erreur. Mais si c'est un faqih, à un moment, il y a un livre dans le fiqh, il faut savoir, il y a un chapitre, c'est le hudoud. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a le hudoud, les peines. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il va lire ce verset-là? Il va dire le Qutta' Tariq. Qutta' Tariq. Hein? On dit bien que Qutta' Tariq, les ulama sont d'accord pour que la peine n'existe plus à partir du moment où il a fait Tawba. S'il a fait Tawba, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait un Seigneur qui lui a pardonné et qui. Hein? Comment alors il peut encore, Anfi, comment il peut alors renoncer le sens des noms et des attributs? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ça, il y a des ulama et des fuqaha. Hein? Ça veut dire que si tu n'arrives pas à lui faire des redoutes, c'est ça que je veux expliquer par ça, si tu n'arrives pas à expliquer aux Ash'ari ou aux gens, aux Jahmites, hein, ou aux Ahbash, qui sont peut-être même des fuqaha, hein? c'est possible qu'ils soient des fuqaha, c'est vrai. Taïb, eh bien explique-lui au moins avec le fiqh. Va sur Kitab al-Hudud, d'accord, tu vas sur le chapitre al-Hudud et tu l'expliques, tu dis, mais regarde. Le had, pourquoi il a disparu là? Vous êtes tous d'accord sur ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tuthbitun al-ism, tuthbitun al-sifa allati ma'a al-ism, sah ou la? Vous avez compris ça, inshallah? Voilà. Tu peux lui faire des rododes, même avec les livres de quoi? Même avec les livres de fiqh. Vous avez compris ça, inshallah? Fahimtum hada? Taïb, on continue. Ensuite, il dit wa in dallat ala wasfin ghayra muta'addin tadhammanat amrayn. Ahaduhuma thubut dhalik al-ism lillahi عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة طيب لي il ne concerne que lui seul. Regardez bien, il ne concerne que lui seul. Pourquoi? Parce que le premier c'était mutaaddi. C'est pour ça que j'ai redemandé comment ils l'ont traduit. Et muta'addi, en vérité, c'est transitif. En vérité, c'est. Hein, c'est ça, hein, c'est transitif, muta'addi. Ça veut dire qu'il y a une action directe sur cette chose-là. Vous avez compris, Inch'Allah? Il y a une action transitive. Vous avez compris, Inch'Allah? Taïb. Et lui, il a préféré le traduire par quoi? Par description, etc. D'accord? طيب. Mais là, le muta'addi ici, غير muta'addi, le fait que ça concerne que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, là il va relier maintenant. N'am. Ouais, relier ce que tu viens de dire. Mais si les noms d'Allah l'exalté ne concernent que lui, ne concerne que lui, n'am. Vous avez compris ça? C'est quoi la différence entre ça et ce qu'on vient de parler? Ghafour al-Rahim, ça concerne Allah, mais ça ne concerne pas que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que derrière la maghfira et derrière la rahma, faut obligatoirement quelqu'un yurham, ça alala. Faut obligatoirement quelqu'un qui a la rahma et qui a le ghufran. Vous avez compris ça, inshallah? Taïb. Voilà, donc ça concerne que deux choses, son nom et son attribut, et pas l'action ou ce que sous-entend le nom, vous avez compris? Par exemple, Al-Hayy ici, le vivant, Allah est vivant, Allah, son nom c'est Al-Hayy, là, tuthbit al-ism, on a dit, il faut absolument, quoi, affirmer le nom qu'Allah s'est attribué, et ensuite la sifa, d'accord? Soit elle est muta'addiya, soit elle n'est pas, soit elle ne l'est pas. D'accord? Si elle n'est pas muta'addiya, c'est que ça ne concerne que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Donc Allah, on va dire, il est vivant, il est qualifié et décrit par la vie. La vie la plus parfaite. Na'am. Vous avez compris? Vous avez compris ça, hala? Taïb. Tandis que Rahman, ou plutôt Rahma ou le Ghufran, etc., là, ça concerne lui. Premièrement, parce que c'est lui qui est qualifié par cela, il est décrit par cela, mais le fait que ces créatures ont besoin de ça, rizq par exemple, Allah c'est razzaq, Allah yurzaq, Allah il a besoin de rizq? Non, ça a l'air. Allah dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ. Est-ce qu'Allah il a besoin de rizq? Non, vous avez compris? Pourtant nous on a besoin. Et il s'appelle al-razzaq. Donc al-razzaq il rentre dans le premier sinf des sifas. Enfin, la première partie qu'on vient de citer. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. El-Hay. Il y a également d'autres, hein, d'autres exemples. Il y a El-Hayyu. El-Hayyu. El-Hayyu. Hein? Celui-là, El-Hayyu. Celui-là avec deux ya. Na'am. Il y a El-Hayyu, il y a El-Hayyu. Le deuxième, c'est le fait d'être pudique. D'accord? Inna Allah hayyun. Hayyun, ça veut dire, hein, Allah est pudique. C'est ça, hein? Taïb, pudique, c'est avoir la pudeur, c'est ça? Taïb. Ce nom-là existe. Hayyun sittir. Et non pas sattar. Vous avez compris? Sittir, ça veut dire celui qui cache les péchés. Sittir. Le hadith existe. Il est dans Abu Daoud. D'accord? Inna Allah hayyun sittir. Et non pas hayyun ici, c'est pas hayyun. D'accord? Hayyun avec une shadda. Non. Hayyun, ça vient de al-haya, c'est-à-dire la pudeur. Vous avez compris? Allah a de la pudeur. Sittir. Sittir, c'est quoi? Sittir, c'est le fait de cacher le péché. Vous avez compris? Et non pas sattar. Beaucoup de gens disent sattar, ya sattar. On l'entend ça, c'est pas un nom d'Allah. On dit ya sittir. D'accord? Ya sittir usturni. Ya sittir usturni. Vous avez compris ça, inshallah? Al-Azim maintenant. Hein? Al-Azim, ça rentre dans le quoi? Ça rentre dans celui-là ou l'autre? Ça rentre dans le deuxième cas. Ça? Parce que. Hein? Ça rentre dans le deuxième cas. Ça, là, là. Taïb. Al-Azim, Al-Hayy. Voilà, ça rentre dans le deuxième cas. Et non pas dans le premier. Parce que dans le premier, on a dit, il faut qu'il y ait un acte. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Al-Mutakabbir. Hein? Oui, ça concerne juste Allah Azza wa Jal. D'accord, le deuxième, c'est. Voilà. Le deuxième, ça concerne que Allah subhanahu wa ta'ala. Mutakabbir. Ça rentre dans quoi? Hein? Mutakabbir. Mutakabbir, celui. L'orgueilleux ou celui qui s'en réveille. Hein? Hein? C'est le premier ou le deuxième? Pourquoi le premier? C'est forcément par rapport à quelqu'un? Non, c'est propre à lui. Ou takabbir, c'est propre à lui. Il est takabbar Allah subhanahu wa ta'ala. Lui est takabbar. Il a le droit Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est pas un acte. Il takabbar lui, lui-même Allah subhanahu wa ta'ala. À la kulli hal, on verra ça, les sifat, etc. Tayyib. On verra ça, inshallah. Est-ce que vous avez compris cette règle maintenant? C'est bon? On peut passer à la quatrième?